première, c'est l'heure d'Histoire vivante. Bonne écoute. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent en nouvelle diffusion Histoire vivante. Le principal rôle féminin, c'était Maud de Forest qui devait le tenir. Elle devait chanter et danser, puis finalement, devant le succès, les numéros de danse se sont en réalité faits avec Louise Douglas et Joséphine. Cette semaine, il y a de l'orage dans l'air. Donc la troupe comportait une trentaine de personnes, orchestre compris. L'orchestre, c'était un sept-têtes qui se trouvait sur scène, parce qu'il y avait sans doute un autre orchestre dans la fosse qui, lui, accompagnait certains numéros. Et le petit jazz, puisqu'on appelait ça un jazz à ce moment-là, se trouvait sur la scène et n'intervenait que par intermittence. Smoking de travers. Joséphine s'était fait faire une robe chez Poiret. Cette Joséphine en robe de Poiret, immédiatement, si on peut dire, s'était mise dans le bain. Quand le jazz est là. Histoire vivante, cette semaine, Joséphine Baker. Aujourd'hui, entretien avec Olivier Rouef, chercheur en sociologie au Centre national de la recherche scientifique. Olivier Rouef, nous sommes ensemble pour évoquer cette semaine la Revue Nègre. Quand on dit Revue Nègre, à l'époque, c'est absolument considéré comme normal. Qu'est-ce que c'est que ce mot-là? Est-ce que c'est en fait, est-ce qu'il marque l'importation de l'objet américain qu'il est? En fait, il existe avant qu'on parle de la population noire des États-Unis. Le mot nègre, je ne connais pas l'étymologie exacte du mot, ce serait d'ailleurs très intéressant d'aller regarder. C'est un mot extrêmement ordinaire dans l'Europe de la fin du 19e siècle, en gros dans l'Europe coloniale, donc dans l'Europe des empires coloniaux, pour désigner les populations noires. Il est extrêmement ordinaire parce qu'il est extrêmement dominant. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce qui se joue dans le sillage de la Première Guerre mondiale et ce qui se cristallise avec la Revue Nègre, c'est comme si ce terme se stabilisait autour d'une idée très forte qui n'existait pas vraiment avant, qui est qu'il existerait une civilisation ou une âme ou un esprit ou une culture noire. Et il y a des débats pour savoir s'il y a plus que ça. S'il existe une particularité, par exemple esthétique, et en musique c'est extrêmement prégnant et ça a très fortement à voir avec l'histoire dont on parle, il existerait une spécificité noire, une musique noire. Il y a 2-3 ans, il y a eu une exposition à la Cité de la Musique de Paris sur la musique noire, mettant en scène ce débat-là. C'est un débat encore vivant. En gros, avant la Première Guerre mondiale, l'idée que les Africains et les esclaves ou les anciens esclaves qui n'habitent plus en Afrique font partie du même groupe, existent à la fois fortement mais de façon totalement déniée. C'est-à-dire que c'est le principe même du racisme colonial, que de dire que ces gens-là ont une essence commune puisqu'ils sont tous noirs. Ça va pas jusqu'à l'idée que, en gros, c'est juste des barbares. C'est donc l'idée qu'ils auraient une culture est totalement inenvisageable. On parle plus de primates que de barbares, non ? Me semble-t-il. Oui, de non-humains. Il y a différentes manières de dire que ces gens ne sont pas vraiment humains. Ils sont avant que l'homme réel se constitue. Et pour certains, c'est des premiers hommes. Ce qui est plus commun, c'est quand même de dire que c'est les premiers hommes. Un élément important à voir, c'est qu'à l'époque, l'évolutionnisme, les théories évolutionnistes... Darwin n'est pas si loin. Voilà, darwinienne, mais leur transposition dans le monde colonial sont très très prégnantes. Par différents canaux, mais avec un moment de cristallisation qui est l'affaire Dreyfus. Et l'affaire Dreyfus, qui concerne pas les Noirs, mais les Juifs, contribue très fortement à installer les rhétoriques raciales dans l'espace public. En gros, on parle politique en utilisant le langage de la race. Et jusque quasiment à la Grande Guerre mondiale. En France, il y avait eu dans des revues du Casino de Paris, des Folies Bergères, des Noirs quelquefois, mais isolé. Daniel Nevers, historien du jazz. Un noir qui, par exemple, dansait, mais une revue entièrement noire, en France, on n'en avait pas vu. Alors que, évidemment, la chose était relativement courante aux États-Unis, et pour cause, pas seulement d'ailleurs à Harlem ou dans les quartiers noirs, aussi sur Broadway, par exemple. De même à Londres, dès la fin de la guerre de 1919, il y avait eu des revues beaucoup plus importantes que celles-là. Je parle numériquement. Par exemple, il y avait le Southern Syncopated Orchestra en 1919 à Londres, qui qui comportait une troupe de plus de 100 personnes. Alors que là, il y avait environ 25 à 30 personnes. Ce que je trouve d'intéressant dans cette histoire, c'est que justement, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis ou en Angleterre, où le spectacle se déroule tout à fait normalement, on l'apprécie ou on n'apprécie pas, mais ça c'est autre chose, en France, ça prend tout de suite un aspect, on pourrait dire sociologique. Il y a quelque chose de mythique, quelque chose qui ne se produit pas ailleurs. Peut-être parce qu'il y a eu tout ce remue-ménage culturel, que les intellectuels s'y sont intéressés et ont tiré l'événement vers eux. Peut-être est-ce qu'il y a aussi autre chose, peut-être que ça ne suffit pas comme explication. Suite de l'entretien avec Olivier Rouef, chercheur en sociologie au Centre National de la Recherche Scientifique. Ce qui se passe, c'est donc que cette Caroline Dudley, qui est la femme de l'attaché culturel de l'ambassade américaine à Paris, propose un spectacle à donc Rolf Demarais et le directeur du théâtre des Champs-Élysées. Elle s'est dit, tiens, quelque chose comme Shuffle Along, qui a eu un grand succès à Broadway, pourrait marcher à Paris. C'était le premier spectacle entièrement conçu, produit et réalisé par des Africains-Américains, donc des Noirs, et avoir du succès à Broadway et par Harlem. Le premier, c'est 1899, me semblait-il, mais c'était dans des théâtres art limite. Et là, c'est un succès qui a lieu auprès des publics blancs, c'est ça l'idée. Ce que j'essaie de montrer dans le livre, qui est sur toute l'histoire du jazz en France, dont cette petite enquête sur la Revue Nègre est tirée, en fait, le moment décisif de tout ça, c'est 1902. Avec l'arrivée de la danse cakewalk. Toutes les rhétoriques dont je parle, en fait, se mettent un peu en place là. Et en fait, c'est aussi le moment où, en gros, dans l'espace international du spectacle populaire, de la musique et de la chanson, les États-Unis accèdent au leadership. Pendant tout le 19e siècle, le plus gros exportateur musical du monde, c'était l'Italie. Et tout d'un coup, ça devient les États-Unis. Donc ça se met en place à cette période-là. Mais ça s'accélère, et là, ce qui est vraiment très nouveau, c'est cette idée d'amener une troupe complète, donc il faut de l'argent, c'est pas rien, et en plus une troupe qui reproduit ce modèle de la revue à l'américaine, avec beaucoup de musique, beaucoup de chorus girl, beaucoup de et donc du jazz, et qui en plus est entièrement noir. Donc le spectacle est prévu et construit à New York, et une semaine avant l'avant-première, en fait, débarque à Paris et est présenté au directeur de la salle. Et ils sont un peu déçus. Ils trouvent, pour l'essentiel... C'est un euphémisme, je crois qu'ils sont atterrés. Ils sont un peu inquiets, ils sont très inquiets et atterrés. Mais pourquoi ? Quel est l'objet de leur inquiétude ? Moi, ce que j'en retiens, c'est que en gros, c'est pas assez parisien, c'est trop américain, et en fait, pour dire que c'est pas assez parisien, pour eux, ils le disent en disant que c'est pas assez nègre. Pas assez parisien au sens... Il n'y a pas de meneuse de revue, en fait. Ou alors si, justement, la star qui est prévue, c'est Maude de Forest. Maude de Forest est une chanteuse de blues. Le blues, c'est pas une catégorie musicale qui existe encore en France. Et c'est une chanteuse de blues du type Mamie Smith, donc de la lignée du blues instaurée par Mamie Smith, c'est-à-dire corpulente, avec une grosse voix assez grave et... voilà, qui correspond à rien dans l'espace du spectacle en parisien, en fait. Pour l'érotisme exotique torride, on repassera. Voilà, c'est ça. Voilà. Et en fait, ils s'attendaient plus à l'autre lignée qui existe aux États-Unis, qui est celle d'Ethel Waters, qui a d'ailleurs refusé le rôle principal, en fait, à New York. Ethel Waters, en deux mots, et ben, en gros, c'est l'autre type... et stéréotype de la chanteuse africaine-américaine du moment, qui est justement plus élancée, correspondant plus au canon féminin. De la liane. Voilà. Donc, alors, ils font grise mine. Ils font grise mine, et ils se disent, il faut remettre de l'érotisme et du nègre dans l'histoire, les deux allant en fait ensemble. Et donc. C'est aussi précis que ça dans leur esprit. Il n'y a pas de traces. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit entre eux. Voilà, ils n'ont pas écrit ensuite. On se base sur l'objet d'après et on se dit, a priori. Il y a eu des témoignages, quelques récits de. Notamment de Jacques Charles, qui donc Jacques Charles a raconté, puisqu'il adorait écrire sa mémoire, il en a écrit plusieurs, il a raconté après coup, ils m'ont dit qu'il fallait que ce soit un spectacle plus nègre, et plus érotique. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Et donc, il a repéré cette chorus girl qui, jusqu'à présent, avant qu'il arrive, était pas seulement dans la troupe de chorus girls, mais comme une autre, dont j'ai oublié le nom maintenant, avait un duo. Donc, elle avait déjà une sorte de statut intermédiaire. C'était pas la star qui était là tout du long, mais elle avait un duo. Dès leur arrivée, Paul Colin, à qui on avait demandé de faire une affiche, l'a repéré et là, on a fait son modèle avec son style cubiste. Il y a même eu plusieurs lithographies qui ont eu beaucoup de succès, qui sont sorties en livre en 1927, etc. Paul Colin, artiste, peintre, dessinateur, costumier, scénographe, l'un des plus novateurs et influents affichistes lithographes français de la première partie du XXe siècle. Paul Colin est le créateur de l'affiche de la Revue Nègre à l'effigie de Joséphine Baker. J'étais en 1925 le peintre du Théâtre des Champs-Élysées. C'est là que j'ai vu apparaître un matin la troupe nègre. Je me souviens, il était 10 heures et à ma grande stupéfaction, les nègres, y compris les vedettes, ont envahi le plateau, et pour eux, nous avions laissé le rideau ouvert de façon à ce qu'ils puissent voir la salle, mais sans intérêt pour la troupe, ils se sont mis immédiatement au travail. Avec d'ailleurs, je me souviens, un croissant et un verre de café crème dans la main qu'ils avaient été chercher dans le café en face. La décoration de Maurice Denis, pour eux, n'avait absolument aucun intérêt. C'était le café crème dont on leur avait tant parlé, et la danse à laquelle ils se sont mis immédiatement. Je ne crois pas qu'il soit juste de tenir Paul Colin, portraitiste attitré de l'impératrice Joséphine Baker. Georges Gabriel Thénon, chansonnier, dessinateur, librettiste, il signera une préface au second degré pour « Le tumulte noir », ouvrage comprenant une centaine de dessins du corps de Joséphine Baker. Pour responsable de l'épidémie charlestonesque qui s'est abattue sur Paris et la grande banlieue. Au vrai, le vomito negro qui sévit dans nos murs fit son apparition bien avant que ceux-ci ne se couvrissent d'effigies à la gloire de la fameuse étoile noire. Les nègres d'Afrique, dont les aïeux furent promus esclaves en Amérique, rêvèrent un jour de réduire à leur tour l'Europe en esclavage. Ils se mirent donc en route, avec pour tout bagage une chemise de rechange et un saxophone. Et débarquant deux par deux, trois par trois, cafre par cafre, ils envahirent l'ancien continent. Dès lors, nous adoptâmes leurs coutumes, nous apprîmes leurs danses, nous nous négrifiâmes à qui mieux mieux. L'apparition du derrière frénétique de la grande Joséphine marqua l'apogée du tumulte noir et détermina la crise finale. Histoire vivante. Cette semaine, Joséphine Baker, suite de l'entretien avec Olivier Rouef, chercheur en sociologie au Centre national de la recherche scientifique. Ce qui fait que ça l'impose de fait. Il y a cette conjugaison, c'est pas du tout ce qu'on attendait, on ne veut pas une chanteuse de blues au devant de la scène, on a besoin de quelque chose qui, elle est par là, elle est repérée déjà, puisqu'elle fait l'affiche, et là, par une espèce de propulsion un peu incroyable, elle se retrouve au devant de la scène. C'est ça. Avec ces deux petits éléments en plus, pourquoi elle est repérée? C'est qu'elle est très vivace dans les interactions hors scène et sur scène. Elle avait développé un style dit loufoque, de grimaces et de gestes dégingandés, qui pour le coup correspondait à merveille à un créneau de style scénique très parisien. La première star du musical, Teresa, instaure ce style excentrique, qui est qualifié d'hystérique, qui est rapproché des primates, c'est pas anodin, qui est rapproché des hystériques que médiatise Charcot avec ses présentations d'hystériques à la Sorbonne. Donc Joséphine Baker, elle présente aussi deux caractéristiques qui font qu'elle est repérée immédiatement, c'est qu'elle a ce style donc dit excentrique, qui correspond à un créneau très installé sur la scène des musicals parisiens. Et elle est aussi de peau plus claire que les autres. Ce qui sera très très remarqué dans la réception critique du spectacle. On ne sait pas du tout, il n'y a aucun témoignage pour dire si ça a été discuté entre parmi les producteurs, les metteurs en scène, mais il est assez probable que dans cette idée de correspondre à un créneau qui pourrait marcher à Paris, c'est une femme noire, mais qui a une coupe de garçonne qui correspond au canon érotique parisien, élancé, fine, et en même temps elle a une coupe de garçonne. Très probable que ça ait beaucoup joué dans ce choix-là. Nous regardions, Rolf Demarais, André Daven et moi, nous regardions les répétitions. Paul Collin. Et nous avions vu, connaissions la vedette de la troupe qui s'appelait Maud de Forest et qui était une femme de couleur, je dirais, au type agressif, c'est-à-dire aux larges lèvres, aux lèvres épaisses et au nez un peu trop aplati à mon sens. Quand à côté d'elle se trouvait cette ravissante, cette magnifique créature unicolore, n'est-ce pas, comme c'est rare d'en voir, c'était Joséphine Baker. Et ma foi, sans trop de scrupules, nous avons fait cette petite acrobatie psychologique de faire rentrer la vedette dans le rang, en deuxième ou troisième vedette, et nous avons fait travailler Joséphine Baker en première vedette. Nous nous trouvons une semaine avant avec ce remue-ménage qui fait que la vedette d'hier ne va plus devenir tout à fait la vedette d'aujourd'hui et que celle qui n'était pas appelée à l'être va exécuter les numéros les plus vendus, notamment à la presse. Est-ce que ça veut dire, pour ce que l'on en sait, que le spectacle est complètement remis de fond en comble ou plutôt qu'on installe des scènes particulières à l'intérieur de cette représentation-là? Rappelons que la revue nègre, c'est un objet scénique assez court dans sa durée. Il est constitué donc de tableaux, ce qui fait qu'on peut un peu jouer avec les tableaux, en intercaler, en déplacer, voire éventuellement en enlever, c'est ça, Olivier Rueff? Il me semble qu'en fait, les principaux changements sont faits pour le tableau d'ouverture et les tableaux de clôture, et qu'il y a d'autres petits changements, évidemment, dans les tableaux intermédiaires. Par contre, l'idée, c'est une idée de producteur, de promoteur de spectacle, c'est que ce qui est important, c'est d'abord le succès critique, et donc il faut en mettre plein la vue aux journalistes qu'on invite à l'avant-première, et donc on leur met deux numéros, l'ouverture et le final, qui en mettent plein la vue, etc. Et le reste passera tout seul, en gros. Paul Collin. Vous étiez naturellement au Théâtre des Champs-Élysées le soir de la première de la revue. Oui. Voulez-vous nous décrire non pas le plateau, mais la salle, et nous dire quelles furent au juste les réactions du public? C'est-à-dire qu'il y a eu à ce moment-là deux grandes soirées, et qu'on peut dire inoubliables, étant donné les révélations de cette troupe. Quand on a fait travailler Joséphine en première, en grande vedette, nous avons été obligés de reculer la date de la première, pour lui laisser le temps d'incuber. Et à cette occasion, nous avons organisé une réunion dans la nuit, à minuit, pour recevoir là les gens de théâtre, les écrivains et les artistes de Paris. Et c'est le lendemain de cette fête que, dans la presse unanimement, on a déclaré que la Vénus noire était à Paris. La Vénus noire, naturellement, c'était Joséphine. Une salle d'artistes, une salle de journalistes. Mais une quinzaine de jours après, en l'honneur de la troupe, et pour confirmer le succès de leur présentation, on a donné une fête. À ce moment-là, je me souviens que Joséphine s'était fait faire une robe chez Poiret. Eh bien, la Joséphine que j'avais vue le premier jour de son arrivée à Paris, quand elle avait une robe, je crois, une robe d'un certain vert épinard, avec des souliers rouges et des lacets violets, un chapeau également violet avec des plumes vertes, une jumelle en bandoulière et des bretelles d'homme attachant la robe au corsage, cette Joséphine en robe de Poiret, immédiatement, si on peut dire, s'était mise dans le bain. Elle était peut-on dire, noire. Plus parisienne que les parisiennes. Elle avait une allure extraordinaire. Olivier Rueff, vous avez, comme on dit selon la formule, épluché la presse. C'était pour les besoins de votre article. Qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là, à l'époque? Est-ce qu'on est d'abord avec des placards entiers de gens scandalisés et qui n'en peuvent mais? Est-ce qu'on a affaire à un nuancier extrêmement important, extrêmement large? Vous pouvez un peu nous faire le résumé de ça? Oui, ça crée un scandale. Donc du coup, il y a les partisans et les opposants. Il fallait un peu s'y attendre. En tout cas, c'était vraiment ce qui était recherché et ça marche. Et donc la majorité des gens qui en parlent, ceux qui en parlent, une majorité est scandalisée de façon extrêmement violente ou modérée. Et une grosse minorité est plutôt charmée par ce spectacle. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont un peu les mêmes catégories de réception esthétique qui sont stigmatisées par les opposants et valorisées par les partisans. Préciser. Cette race nègre aurait un génie esthétique, aurait une qualité esthétique qui passe par le sens du rythme essentiellement. À preuve, ce qu'écrit Albert Flamand, préoccupé par le mauvais effet du spectacle sur la vraie sensibilité française, entre guillemets bien sûr, on cite Albert Flamand, « La musique de ces jazz bands nègres saxons a porté, sans avoir même besoin de les étudier, un coup dur à Wagner comme à Debussy. » Il est où Albert Flamand du coup? Il est plutôt pro, il est plutôt anti, il a l'air quand même relativement pro, de prime abord. Il est plutôt pro, plutôt pro, mais sur un ton, dans mon souvenir, il faudrait vérifier dans tout l'article, mais sur un ton un peu d'observateur distant. Comme un avertisseur. Qui trouve ça amusant. Méfions-nous de la pacotille. Oui, ou ça n'est qu'un spectacle. Et voilà. Mais il y a donc quand même cette idée que la civilisation blanche, donc Debussy, Wagner, est en train d'être menacée, et menacée, même si ça le fait, si ça l'amuse en l'occurrence, par la civilisation noire, dont on apprend soudain qu'elle existe en tant que productrice esthétique. Elle se fait repérer par l'excès et l'étrangeté. Ce sont des occurrences que vous allez trouver assez souvent dans la presse. Je vous cite, l'excès est fait de frénésie de mouvement pour la moitié des articles, d'extravagance des gestualités, des effets visuels, essentiellement les couleurs des décors et les couleurs des costumes, ou encore des effets sonores, ou encore des expressivités affectives et de la modalité grotesque des effets comiques. On s'aperçoit que là où tout le bon esprit ou le bon goût faisait dans la mesure et dans la retenue, là, au contraire, c'est le lâcher-prise, l'expressivité la plus totale qui est mise en avant et qui, à l'évidence, scinde, clive un public et une critique. Oui, tout à fait. C'est vraiment l'opposition de la civilisation à la barbarie. Et la civilisation est associée à la raison, au contrôle de soi, etc. Et alors que la barbarie, c'est le spontanéisme, c'est l'incapacité à se contrôler, à sublimer les pulsions, notamment érotiques, puisque le centre de tout ça tourne autour de l'érotisme et de l'érotisation du rythme lui-même, de cette idée de que le rythme est érotisant. « Olivier Rueff, vous ouvrez sur l'idée, une forme d'interrogation d'ailleurs, finalement la Revue Nègre est-elle à considérer comme un grand spectacle ou comme une représentation d'avant-garde? Il est bien possible qu'elle soit synthèse des deux. Est-ce que vous pourriez nous livrer votre point de vue là-dessus? Je pense que vraiment c'est la synthèse des deux, c'est-à-dire que c'est conçu comme ça par les... en tout cas par les producteurs... y compris Caroline Dudley et y compris l'américaine donc l'américaine et donc les directeurs du théâtre et le metteur en scène appelé à la rescousse, c'est conçu comme ça. C'est on fait rencontrer le musical et l'esprit d'avant-garde et c'est reçu comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que les récepteurs, les journalistes qui en parlent le voient très très bien. Il est pas totalement impossible, mais ça on en a aucune trace, que des petites explications de l'intention du spectacle auraient été distribuées. Ce qui, des modes d'emploi. Des modes d'emploi, ce qui est souvent le cas. C'était déjà une pratique courante à l'époque, auquel cas ils avaient ce qu'on appelle aujourd'hui des éléments de langage. Mais pour le coup, si ces choses-là sont repérées, on voit pas exactement les mêmes phrases dans tous les articles, donc c'est peut-être pas le cas. La curiosité, c'est que un tel phénomène, qui plus est de courte durée, n'est pas véritablement fait beaucoup d'enfants. Il n'y a pas de progéniture à la Revue Nègre. En fait, pendant quelques années, si. Si. Mais ça dure pas éternellement. Le phénomène s'essouffle rapidement, c'est ça? Alors, jusqu'au début des années 30, en fait, pour tout un tas de raisons. Mais pendant plusieurs années, il y a même on va appeler ça un créneau, un type de spectacle qui est Revue Nègre. Donc, dès 1926, Josephine Baker est sollicitée pour, là, en tant que star, meneuse de revue, faire un nouveau spectacle qui sera considéré comme la deuxième Revue Nègre, et qui du coup, dès qu'il y en a une deuxième, bah du coup ça installe un créneau, et du coup il y en a plusieurs qui auront lieu avec Josephine Baker et d'autres. Qui seront donnés dans la même salle parisienne ou dans d'autres? Dans d'autres salles, c'est vraiment du coup dès que ça marche, c'est le principe du music hall comme d'autres secteurs culturels, dès qu'un truc marche, les autres reprennent. Ah, j'avais pas remarqué. Puisque ça pourrait marcher une deuxième fois, etc. Voilà, et ensuite ça s'estompe dans les années 30, essentiellement du fait que c'est des spectacles qui coûtent extrêmement cher et qu'il y a une crise économique générale et du spectacle. 29 est passé par là. Voilà, c'est ça. Donc ce genre de spectacles très coûteux, en gros, n'existeront plus qu'au cinéma, et de fait, il existe des films reprenant ce format-là. Olivier Rueff, vous avez glissé dans cet entretien que vous étiez l'auteur d'un ouvrage. Eh bien, le moment est venu d'en faire la promotion. Je vous remercie. Donc ça s'appelle la Jazz, les échelles du plaisir, intermédiaire et culture lettrée en France au XXe siècle. C'est paru aux éditions La Dispute en 2013. Et ça ne demande encore qu'à se vendre comme des petits pains. Et ça se vend comme des petits pains. Qui n'a pas ce livre dans sa bibliothèque est déjà considéré comme ringard par ses amis. Et il existe aussi un site compagnon, un site internet qui s'appelle plaisirdujazz.fr. où il y a beaucoup de compléments, donc ça se substitue pas au livre, c'est pas le livre lui-même, mais c'est des... Il y a notamment l'article dont on a parlé aujourd'hui, qui est mis en ligne, et puis il y a tout un tas de documents textuels, visuels, sonores, qui accompagnent la lecture du livre. Et nous mettrons sur le site d'Histoire et Vente le lien dans cette direction-là. Merci à vous d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Merci à vous, beaucoup. Demain, nous poursuivrons l'évocation de Josephine Baker et de la Revue Nègre, mais également de la place de Josephine Baker dans le cinéma, en compagnie du géographe Jean-François Stazac.